إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رواه أحمد والبزار وحسنه والألباني. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Les kulli shay'in haqiqa » Pour chaque chose, il y a une réalité ou une concrétisation. « Wama baragha 'abdun haqiqata al-iman » Et un esclave, c'est-à-dire un être humain, n'atteint pas haqiqata al-iman, la concrétisation de l'iman, de la foi. Jusqu'à ce que quoi? « Hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun yukhti'ah » Jusqu'à ce qu'il sache que ce qu'il a atteint n'a pas été fait pour que ça ne l'atteigne pas. Et que ce qu'il a ne l'a pas atteint n'a pas été fait pour que cela l'atteigne. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad, ainsi que Al-Bazzar. Al-Bazzar a dit qu'il était Hassan, donc bon, ainsi que Al-Albani. Donc on voit ici que la concrétisation de l'iman, de la foi, se fait par la foi dans Al-Qadar. Al-Qadar, le décret, la prédestination, ce sont trois choses. Al-Qadar, « La yahdusu shay'un fil kawn illa bi'ilmillah wa idhnihi wa kuwwatihi li hikmatin baligha » Al-Qadar, donc le décret d'Allah, la prédestination, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas une seule chose qui se produit dans l'univers. Illa bi'ilmillah. Sans que ce soit par la connaissance d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah le sait que ceci se passe et il l'a su avant même que qu'il commence la création. Et ce n'est pas une chose donc qui se passe dans l'univers sans que ce soit par aussi son autorisation. Une chose ne peut pas se passer dans tout l'univers, aussi petite ou aussi grande que soit-elle, sans que Allah Azzawajal donne son izn, son autorisation. Et cela revient à Al-Mashi'a, à sa volonté. Wa kuwwatihi et sa force. Il n'y a pas une chose qui se produit sans que Allah Azzawajal donne sa force. Dans cette chose, la hawala wa la quwwata illa billah, comme c'est dans ce dhikr. Et ce qui est pour l'autorisation, il y a dans la sourate At-Taghabun, au verset 11, Allah Azza wa Jal dit: Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Il n'y a pas une chose qui atteint, il n'y a pas une calamité qui se passe. Illa bi'idhnillah, sans que cela soit par la permission d'Allah. Illa bi'idhnillah. Et ça, c'est-à-dire. Donc, il n'y a pas une chose qui se passe sans la permission d'Allah. Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Il n'y a pas une chose qui se passe. Et là, c'est dans ce faux sens, dans une calamité. Illa bi'idhnillah, sans que ce soit par la permission d'Allah. Celui qui croit en Allah, alors il guide son cœur. Wallahu bi kulli shay'in alim, et Allah de toutes choses est savant. On va prendre le cours de fiqh maintenant, inshallah. On va continuer dans le livre Mukhtasar Abi Shujar de l'imam Abi Shujar, rahimahullah, dans le fiqh al-Shafi'i. Nous étions dans le chapitre du jihad, du hajj. Et donc ce qu'on devait prendre hier, c'était Sunan al-Hajj Saba, donc les Sunan du Hajj. Les choses sunnah dans le Hajj, c'est les choses qui ne sont pas arcanes, ne sont pas des piliers, ni des wajibat, ni des obligations, mais qui sont des sunnah. Donc l'imam Abu Shouda en a répertorié quelques-unes, d'accord? La première qu'il a répertoriée, al-ifrad wa huwa taqdim al-hajj ala al-umrah, c'est le fait qu'on appelle al-ifrad. Au cas où vous n'avez pas bien entendu la dernière fois, il y a trois manières de faire le Hajj, trois états de faire le Hajj. Soit on le fait en état de, on est Moufrid, ou Qarin, ou Mutamattir. Alors, apparemment, il y a encore un problème de son. Subhanallah. La ilaha illallah. Donc, Al-Ifrad. Donc, il y a trois manières de faire le Hajj. Soit c'est un Ifrad, c'est-à-dire que la personne, quand il va faire le Hajj, il rentre en circulation, en Ihram, avec l'intention qu'il fait seulement le Hajj. Pas autre chose, d'accord. Donc il va pas pouvoir enlever les ihrams, sa désacralisation, une fois qu'il aura tout fini comme on va voir le tahoul awal ou le tahoul athani. Deuxième, c'est ce qu'on appelle el qiran, c'est que la personne rentre en ihram dans une intention d'ihram, donc de sacralisation, mais il va faire le hajj et la umrah en même temps, en une seule sacralisation, d'accord, en un seul ihram, d'accord. Donc il pourra pas enlever Al-Ihram, il ne peut pas enlever la désacralisation, seulement qu'il a fait tout ce qui est au Hajj et à la Umrah. Et la troisième solution, c'est de partir et on fait une niyya de Umrah, d'accord? On fait seulement qu'une Umrah, on fait un Ihram de Umrah. Donc quand on arrive à la Mecque, on finit la Umrah et après on se désacralise. Donc là, on peut s'habiller de ce qu'on veut, on peut mettre du parfum, c'est tout. Et après, le huitième jour du Dhu al-Hijjah, eh bien, on se met en sacralisation du Hajj, c'est ce qu'on appelle al-Tamattur. Et il faut que la Umrah, bien sûr, excusez-moi, voilà, ça c'est ce qu'on appelle tamattur. Et il y a divergence entre savants, c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est de faire un tamattur ou un qiran ou un ifrad? Et les quatre écoles sont d'accord pour dire que les trois sont autorisés, mais il y a divergence, c'est quoi le mieux? Soit on fait le tamattur, le qiran ou l'ifrad. Dans le mazhab al-Shafi'i, ici, comme dit l'imam Abu Shouja, c'est de faire l'ifrad. Dans le mazhab al-Hanbali, c'est le tamattur le mieux. D'accord? Dans Madhab al-Shafi'i, c'est Al-Ifrad. Donc pour lui, c'est sunna de faire Al-Ifrad. C'est de faire le Hajj avant la Umrah. C'est-à-dire que la personne, comme je l'ai fait le Hajj, il rentre en Ihram du Hajj et il finit le Hajj. Après, s'il veut faire une Umrah, il en fait une, mais elle n'est pas en rapport en fin de compte avec le Hajj. D'accord. Bon, Mourad me dit que ça coupe beaucoup. La ilaha illallah. Deuxième. Sunna, c'est le fait de dire la doua, ce qu'on appelle al-talbiya, qui est la baik lahumma la baik, la baik la sharika la ka la baik, inna alhamda wa ni'mata lak wa al-mulk la sharika lak. Pour certains, comme c'est dans le mazhab al-maliki, cette doua, elle est wajib à dire. Elle est wajib à dire. Mais dans le mazhab al-shafi'i al-hanbali, c'est sunna de le dire, c'est pas wajib. La troisième sunna qu'il a dit, c'est le tawaf al-qudum. Le tawaf al-qudum, c'est les premiers temps le tawaf quand on arrive à la Mecque et que ce n'est pas, on n'est pas en état de umrah, d'accord? Par exemple, la personne comme là, parce qu'il est en ifrad, quand il va arriver à la Mecque, lui, sa niyya, c'est de faire seulement que le hajj. Donc quand il va arriver, il va faire un tawaf. C'est sunna, dans Madame Shafir ici, c'est sunna. Pas wajib, et c'est ce qu'on appelle tawaf al-qudum. C'est pas le tawaf al-ifada, hein, tawaf al-ziyara, c'est le qui est rukn, parce que ça, c'est obligé de le faire après le jour de Arafat, d'accord? Donc là, il va arriver par exemple le premier, deuxième de Dhul-Hijjah, ou le dixième du mois de Dhul-Qa'dah. Quand il va arriver à la Mecque, il va faire un tawaf qui s'appelle tawaf al-qudum. Al-qudum, c'est-à-dire le tawaf d'arrivée, d'accord? Quatrième. Sunna al-mabit abi Muzdalifa. Le fait de passer la nuit à Muzdalifa. Cette nuit-là, c'est la nuit du 9e jour. Rappelez-vous qu'on compte là, par exemple, maintenant je vous parle, on est la nuit du mardi. Depuis le Maghreb, on est la nuit du mardi, d'accord? C'est-à-dire que. Excusez-moi, je me confonds avec le mabit bimina comme le rafal. Mais le mabit bi Muzdalifa, c'est la nuit qui est juste qui vient, une fois qu'on est à Arafat, qu'on part, on sort de Arafat, on va à Mouzdalifa, et on va passer la nuit ici, d'accord? Jusqu'au Fajr. Et ça, pour l'imam, ici, pour l'imam Abu Shuja, rahimallah, donc il y a un problème de son, subhanallah, toujours. Alors, pour si vous m'entendez, j'ai le problème de son, j'ai essayé de regarder avec un frère, j'ai même refait un compte, pas le toc, et j'ai refait un salon, comme vous voyez, c'est l'Institut islamique 1. Et là, apparemment, il y a toujours des problèmes de son avec, malgré que, en changeant d'ordinateur, c'est le même problème, en changeant de salon et de compte, c'est toujours le même problème, il y a toujours des coupures de son. Je vais continuer, Inch'Allah, mais si jamais vraiment le cours n'est pas profitable, dites-moi-le et j'essaierai. On va essayer d'ailleurs sur un autre salon, sur le salon de Abu Imran, qui s'appelle Qurratu Uyunil Muwahhidin. Pour l'instant, dites-moi si jamais vous comprenez ou sinon on s'arrête. Hein. Si ce que je dis c'est incompréhensible, c'est pas la peine de continuer, ça sert à rien. On essaiera d'aller sur un autre salon. Donc je continue. El Mabid Mousdalifa. Donc c'est passé la nuit. C'est Sunna. Donc pour l'imam Abu Shuja, et comme je l'ai dit, c'était wajib pour certains savants, et c'est notamment comme on le trouve dans le Mazhab al-Hanbali. Ensuite, il y a rakat al-tawaf, les deux rakats, donc une prière de deux rakats après avoir fait al-tawaf. Bon, ces deux rakats, on va les faire si possible derrière ce qu'on appelle maqam Ibrahim. Sinon, comme on avait vu, ça peut être, ces deux rakats peuvent être faits n'importe où dans le haram, soit dans le masjid ou même dans le haram. D'accord? Sixième sunna, wal-mabid bi-mina. D'accord? Donc le fait de passer la nuit à Mina. On a vu que ça, c'était wajib. D'accord? Dans la majorité, c'est wajib. De passer la nuit à Mina. À la base, le fait, c'est Abu Hanifa qui dit, Thomas de Hanafi, que comme quoi le mabit bimina, donc le fait de passer la nuit à Mina, c'est-à-dire quand on a fini d'aller, quand on a fini de, quand on sort de Arafat, on va à Mouzdalifa, on passe la nuit. Après, on va à Mina et comme on a vu, on jette sept cailloux sur la dernière stèle, d'accord, la stèle la plus proche de la Mecque, d'accord. Et cette nuit-là et les autres nuits-là qui viennent après, dans la majorité des écoles, c'est wajib. Et dans le mazhab al-Hanafi, c'est sunna. Et pour l'imam Abu Shuja, c'est sunna. Ensuite, septième sunna qu'il a répertorié, wa tawaf al-wadar, le dernier tawaf quand on part. C'est-à-dire que une fois qu'on a fini tous les actes du Hajj, la personne, eh ben, avant de partir, la dernière chose qu'il fait à la Mecque, c'est ce qu'on appelle tawaf al-wadar, le tawaf de l'adieu. D'accord? Même s'il reste encore, après avoir fini le Hajj, il reste 10 jours ou autre, et bien avant de partir, il va faire ce qu'on appelle Tawaf al-Wada. C'est, comme on a vu, c'est obligatoire, c'est un wajib pour certains, comment dirais-je, savants, d'accord? Comme par exemple chez les Ahnaf et chez les Hanabila, et c'est, comment dirais-je, c'est Sunna chez d'autres, comme ici, dans le Mazhab al-Shafi'i. Et ensuite l'imam Abu Shujar dit al-mahita. Et l'homme se défait au moment de l'ihram, donc comme on avait dit, l'ihram ce n'est pas les vêtements, c'est la niyya, c'est l'intention de rentrer dans un état de sacralisation. D'accord? Au moment où il va rentrer dans un état de sacralisation, d'accord, et au miqat, le wajib c'est au miqat qu'on a vu, il va enlever tout ce qui est mahrit, tout ce qui est cousu. D'accord? Donc il va prendre des habits qui ne sont pas cousus. Et le mieux, comme il dit, وَيَلْبَسُ إِزَارًا وَرِدَاءً أَبْيَضَيْنِ. Et il s'habille d'un izar. Un izar, en français, on dit c'est un pagne, d'accord? Un pagne, donc un tissu, c'est comme une serviette de bain, d'accord? Et un autre tissu qui va se mettre sur le dos, qui va recouvrir donc son torse aussi, qu'on appelle rida. Et les deux sont blancs. Ce n'est pas du tout obligatoire qu'ils soient blancs. D'accord, c'est deux morceaux de tissu. C'est pas obligatoire que ce soit deux tissus, ça peut être seulement un seul morceau de tissu, mais il faut bien sûr que ça recouvre sa aura. D'accord? Le mieux c'est ces deux, d'accord, et de couleur blanche. Mais ça peut être qu'un seul grand morceau de tissu, d'accord, et d'une autre couleur que blanc. Chaud. Sure. Là, je vais laisser un petit peu le livre de Murtasa Abou-Shuja pour récapituler ce qu'on a fait sur le Hajj, d'accord, et aussi pour le faire chronologiquement. Et on va prendre qu'un seul état, comme je dis, on peut faire le Hajj en trois états, soit l'Ifrad, soit l'Elkiron, ou soit Tamattour. Et on prendra celui qui généralement les frères et les sœurs font, c'est-à-dire le Tamattour, parce que si je dois citer les trois états, il y a des choses qui divergent et ça va être trop difficile à pouvoir à se remémorer. D'accord? Donc je vais faire l'état, je vais faire chronologiquement, donc tel jour, par exemple le 8e jour il fait ça, le 9e jour il fait ça, le 10e jour il fait ça, le 11e jour il fait ça. D'accord? De manière chronologique, pour bien que ça rentre et bien qu'on le comprenne. D'accord? Et je vais prendre le tamatour. Si des personnes veulent autre que le tamatour qui le disent, s'il y a plus de personnes dans qui veulent qu'on fasse sur le Qur'an ou sur l'Ifrad, il n'y a pas de problème. Moi, je peux vous le faire sur l'ordre chronologique. La personne est soit en Qur'an, ou soit en Ifrad, ou soit en tamatour. D'accord? Si vous avez des préférences, dites-moi-le maintenant, avant que je rentre dans l'ordre chronologique des actes à faire pendant quand on fait le Hajj. D'accord? Donc, c'est-à-dire à partir du 8e jour de Dhul-Hijjah, jusqu'au dernier jour de ce qu'on appelle Ayyam al-Tashriq, comme on avait vu. Avant ça, je vais faire un petit récapitulatif, notamment sur le mazhab al-Hanbali, Inch'Allah, sur Arkan al-Hajj. D'accord? Et Arkan al-Hajj, Arba, sont de 4, il y a 4 piliers. Et je vous rappelle, quelqu'un qui n'a pas fait un de ces 4 piliers, il n'a pas fait de Hajj. Son Hajj n'est pas valide. D'accord? Et après, on va voir les wajibat, le Hajj, les obligations du Hajj. Là, si quelqu'un ne fait pas une obligation du Hajj, son Hajj est valide. Par contre, il a fait un péché et il faut qu'il fasse une expiation en donnant ce qu'on dit en arabe un dam, un sang, c'est-à-dire en faisant un sacrifice. Mais il faut absolument les quatre piliers, il faut absolument les avoir, sinon il n'y a pas de hajj. Le premier pilier, c'est al-ihram, al-niyya, wa huwa niyya dukhul fi nusuk. Et c'est quoi l'ihram? C'est l'intention de rentrer dans nusuk, c'est-à-dire on va dire dans les actes du pèlerinage, d'accord? Cette niya-là, comme pour la prière. Quand est-ce qu'on rentre en prière? C'est quand on a la niya, d'accord? Après, on dit Allahu Akbar, et Allahu Akbar, là on rentre. S'il n'y a pas la niya qu'on a dit Allahu Akbar, il n'y a pas de. On n'est pas rentré en prière. Là, il faut avoir la niya. Deuxième rukn, pilier, c'est al-wukuf bi Arafah. La ilaha illallah, astaghfirullah. Ça revient, Alhamdulillah. Deuxième pilier, al-wukuf bi Arafah, le fait de stationner à Arafah. Comme on avait vu, c'est le 9e jour qu'on fait ça, d'accord? Avec tout, on avait bien vu, je vais dire en détail, notamment les divergences au moment de la journée ou de la nuit. Mais on y reviendra quand on va faire chronologiquement. Troisième pilier, at-tawaf, le tawaf. Et attention, c'est pas n'importe quel tawaf. C'est pas tawaf al-qudum ou la tawaf al-wada. C'est pas le tawaf d'arrivée ou le tawaf d'adieu. C'est tawaf al-ifada, d'accord, qui se fait à partir du jour d'après, qui est après Arafah, on appelle Yom Nahr, et qui peut se faire après, aussi après, d'accord, qu'on appelle aussi tawaf al-ziyara. Ce tawaf-là, hein, qui est le rukn. Les autres sont pas du tout un rukn. Quatrième rukn, as-sa'yu bayna as-safa wal-marwa, le fait d'évoluer, on va dire, de marcher entre Safa ou le Marwa. Safa Marwa, c'est juste en face de la Kaaba, d'accord? Quand on est à la Kaaba, c'est pas loin, hein? C'est même maintenant dans l'enceinte même de la mosquée. Et il faut faire, comme on l'avait vu, 7 marches, d'accord? Et c'est pas 7 allers-retours, parce que ça ferait 14 marches, mais c'est 7 marches. Donc un aller, ça fait une marche, et un retour, ça fait 2. Donc on commence par Safa, on finit par Marwa, d'accord? 7. Comme on avait vu avec. Aussi en détail, je ne vais pas revenir avec le sa'y solab ni non plus pour le tawaf. Maintenant, je vais faire une récapitulation pour les wajibat al-hajj. Voilà, encore une coupure de son. Ça revient, alhamdulillah. Donc, les wajibat al-hajj, al-ihram min al-miqat, le fait de faire les ihram au miqat ou avant le miqat, d'accord, il ne faut pas dépasser le miqat, donc c'est sur les frontières. Pour faire l'ihram, d'accord. Et pareil, on a vu qu'il y avait deux frontières, par rapport au lieu et par rapport au temps. Deuxième wajib, al-wukuf bi Arafah ila al-layl. Là, on est dans le mazhab al-Hanbali. Hein. Le fait que le wukuf à Arafah se fasse jusqu'à la nuit, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient à Arafat, subhanallah, des coupures de son. Celui qui vient le neuvième jour du Dhul Hijjah à Arafat, à cet endroit qu'on appelle Arafat, d'accord, en journée, eh bien il est obligé de rester, c'est wajib qu'il reste, c'est-à-dire qu'il a son rukn, même s'il part, il a son rukn, c'est bon. Là, il n'y a plus de sang. Donc celui qui vient à Arafat, le neuvième jour dans la journée, il a fait son rukn. Mais dans le mazhab al-Hanbali, il faut qu'il y ait un wajib en plus, c'est-à-dire qu'il faut qu'il reste jusqu'à la rentrée de la nuit, donc jusqu'à la rentrée de l'heure de Maghrib. Après, il veut partir. D'accord? Et dans le mazhab al-Hanbali, si la personne ne vient pas dans la journée, mais qu'il vient dans la nuit, donc il vient à Arafat après le Maghrib, eh bien, il a son rukn, il n'a pas ben, le wajib, il vient de le faire. Subhanallah, vous m'entendez toujours pas là? Bon, alors je continue. Donc je continue. La deuxième obligation, c'est al-wukuf bi excusez-moi, al-mabitu bi Muzdalifa layla an-nahr. C'est de passer la nuit à l'endroit qui s'appelle Muzdalifa. Alhamdulillah. La nuit de an-nahr, le jour de an-nahr. Parce que quand le Maghrib arrive, parce que pendant la journée, il y aura la forme du 9e jour, et quand arrive le Maghreb, eh bien on rentre dans le 10e jour. Le 10e jour, c'est Yom an-nahr. D'accord? Et c'est aussi le jour de Al-Aïd. Et donc cet endroit, c'est entre Muzdalifa, c'est entre Arafat et Mina. Donc c'est wajib de passer la nuit à Muzdalifa, cette nuit-là, et jusqu'à Al-Fajr, dans Madame Al-Hanbali. Ensuite, quatrième wajib, Al-Mabit Bimina Layali. Ayam et Tashriq, le fait de passer la nuit Ouais, on va faire ça. Inch'Allah. Alors, les wajibat al-hajj, les obligations du hajj. J'en étais aux quatrième obligation, donc là c'est par rapport à Madhab al-Hanbali. Al-mabit bi Mina layali ayam tashrik, le fait de passer la nuit à Mina pendant les jours du tashrik, d'accord, pendant les nuits des jours du tashrik. D'accord, c'est elles sont wajibat dans le mazhab al-Hanbali, dans d'autres aussi, d'autres savants. Cinquième obligation, Rami al-Jimar, le fait de lancer des pierres sur notamment sur les stèles. Mais exactement comme on a vu, il faut que les pierres atteignent dans le bassin, même si elles ne touchent pas la stèle. Sixième obligation, al-Haq awit-Taqsir, le fait de se raser ou de se couper les cheveux. C'est un wajib. La septième obligation, tawaf al-wida', le fait de faire le tawaf avant de partir, avant de partir de la Mecque, le dernier acte que le hajj fait, c'est de faire ce qu'on appelle tawaf al-wida'. Par rapport au wajibat, man tarakasha min hadhihi al-wajibat fa'innahu yujbiru bidam. Celui qui a laissé une de ses wajibat, d'accord, que ça soit involontairement ou volontairement, même volontairement, il n'a pas fait une de ses wajibat, son hajj est bon. Son hajj est bon, ça n'allait pas. Même s'il le fait volontairement, contrairement au. Comment dirais-je, même s'il le fait volontairement, contrairement à la prière. Ou, d'accord, ou comme on a déjà vu, quand on étudie la prière, que celui qui est dans le Madhab Hanbali, là c'est par rapport au Madhab Hanbali que je cite les choses. Ah là, il a. Ah, bon, c'est par rapport au Madhab Hanbali. Dans le Madhab Hanbali, celui qui, dans la prière, qui ne fait pas volontairement un wajib, sa prière, elle est annulée. D'accord? Rien ne peut la réparer. Dans le Hajj, c'est différent, comme j'avais déjà dit ça hier ou avant-hier. Dans le Hajj, cela est différent. Quelqu'un qui ne fait pas volontairement un wajib, son Hajj est bon. D'accord? Ça n'annule pas son Hajj. Par contre, ce qu'il va faire, c'est que pour faire une expiation, il va donner ce qu'on appelle un dam, un sang, c'est-à-dire quand on dit un dam en arabe ici, c'est-à-dire. Un sacrifice. Yuzbah fil haram. Il l'égorge, donc il fait sa sacrifice dans le haram, dans ce qu'on appelle tout ce lieu qu'on appelle le haram, d'accord? Et il le distribue cette viande aux fuqara, aux pauvres, qui sont dans le haram, d'accord? Dans celui qu'on appelle le haram. Je sais pas combien de kilomètres carrés ça fait, c'est assez grand. Voilà, yakul minhu shay'an wa yahujhu sahih. Il ne mange rien dans ceci et son hajj est bon, il est valide. Maintenant, on n'a pas encore étudié al-mahdhurat, les interdictions, ça va venir, inshallah. Et il est déjà 21h02, on va s'arrêter ici pour le hajj. Et bien demain, inshallah, on continuera bi'idhnillah et je ferai les actes du hajj, comme je l'ai dit, chronologiquement, c'est-à-dire que le 8e jour, qu'est-ce qu'on fait? Le 9e jour, qu'est-ce qu'on fait? Le 10e jour, qu'est-ce qu'on fait? Le 11, 12 et 13e jour, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, comme ça, on va marquer à tout. D'accord? Donc demain, on fera encore un récapitulatif, mais cette fois-ci, ça sera de manière chronologique pour bien que ça rentre, pour bien qu'on se visualise comment se passe le hajj, de manière chronologique, et je le ferai qu'en prenant un seul état de sacralisation, comme je vous l'ai dit, il y a soit Al-Ifrad, Al-Qiran, Al-Tamattu, on prendra ça, soit qu'un seul état, et normalement on prendra Al-Tamattu. Si des personnes veulent qu'on prenne Al-Qiran, Al-Ifrad, il n'y a pas de problème, je vous le fais, il n'y a aucun problème. Il faut seulement qu'on se mette d'accord. Généralement, ce que j'entends les frères et les sœurs qui le font, ils prennent souvent le Tamattu, c'est le plus simple. C'est aussi. Comme le mieux dans le Mazhab al-Hanbali, comme qu'on a dit, mais si vous préférez qu'on fasse l'ordre chronologique sur un Ifrad ou un Qiran, il n'y a pas de problème, vous me dites et on le fera. D'accord? Alhamdulillah. Donc maintenant, Inch'Allah, on va prendre le cours du Tawahid. Ça fait quelques jours qu'on ne l'a pas fait à cause du problème du son et du problème technique qu'il y a eu. J'espère que cela ne va pas continuer. Je demande à Allah Azzawajal qu'il fasse que ce cours se passe bien. Et je lui demande l'agrément après le décret. Il faut agréer ce que et accepter et aimer ce que Allah Azzawajal décrète pour nous. Que ça souligne si ces choses-là sont dures. Et il y a déjà des problèmes de son qui reviennent même sur ce salon. Subhanallah, il faut absolument que je trouve d'où vient ce problème technique. La ilaha illallah. Alors, nous étions dans le Tawhid, donc. La ilaha illallah. Dans la risala du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah qui s'appelle Nawaqid l'Islam, les annulatifs de l'Islam. Et là, je vais faire la fin de la Muqaddimah, donc de la préface. Et après, on va rentrer, Inch'Allah, et ben directement dans les annulatifs. Et c'est là, on va parler de Al-Khawf min ar-Ridda. La peur de Ar-Ridda, de l'apostasie. Qu'on peut aussi appeler par la peur du Shirk. D'accord? Comme l'a fait le cheikh Mohammed ibn Wahhab rahimahullah dans son livre Kitab al-Tahid, il a fait un chapitre, parmi les premiers chapitres, qui est Al-Khawf min ash-Shirk, la peur du shirk, la peur de tomber dans le shirk. Quand on est musulman, la peur de tomber dans le shirk, donc c'est la peur de devenir apostat. Wa riyaz billah. الله عز وجل دين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا Et donc Allah a dit, et lorsque Ibrahim a dit, Rab, ô mon maître, ijal hadha al balad amina, mais ce pays, donc là il parle de la Mecque, amina est sûr, c'est-à-dire que la personne qui vient à la Mecque, ils sont en sûreté, d'accord? Wajnubni wa baniya an na'bud al asnam, et éloigne-moi, ainsi que mes enfants, à ce qu'on adore les statues, d'accord? Donc Ibrahim a demandé à Allah, alors que c'était un prophète et un messager parmi les plus grands, parmi les cinq plus grands messagers, eh bien, il avait peur de tomber dans le shirk, de tomber dans l'adoration des statues, d'accord? Et il a demandé à Allah Azzawajal de à ce qu'il l'écarte de lui et sa descendance de l'adoration des asnam, des statues, donc du shirk. Donc si un prophète est parmi les plus grands prophètes, ont peur de tomber dans le shirk, donc nous, on a plus de droit à avoir peur et donc demander à Allah Azzawajal à ce qu'il nous écarte du shirk, du taghout, et qu'il nous affermisse sur l'islam et qu'il nous fasse mourir sur l'islam. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ensuite, dans la fin du verset, c'est Ô mon maître, certes, elles, donc les statues, elles ont égaré beaucoup de gens. C'est dans la sourate Ibrahim, c'est le verset 35 et 36. Ensuite, je vais vous dire un hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim. Donc, c'est un hadith qui est Sahih. An Anas ibn Malik, donc ce sahabi qui s'appelle Anas ibn Malik, Anas, il a dit, Kana minna rajulun min bani Najjar. Il y avait parmi nous un homme de la tribu de Najjar, d'accord, des enfants de Najjar. Qad qara al-Baqarata wa Ala Imran. Il avait certes lu la sourate Al-Baqarah et la sourate Al-Imran. Wa kana yaktubu li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et il écrivait pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin d'écrire à des gens ou autres, ou d'écrire le Coran qu'on leur révélait. Et donc, cette personne-là avait ce privilège, c'est que eh ben, il écrivait pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qui s'est passé un jour? Et donc, il est parti un jour, il a fait quoi? Il est parti hariban, en s'enfuyant, jusqu'à ce qu'il ait atteint les gens du livre. D'accord? Donc, il est parti de Médine, il s'est enfui, jusqu'à aller trouver les gens du livre, les gens de la Bible. Alors, ils l'ont élevé. C'est-à-dire que quand il est arrivé chez les gens du livre, ça devait être sûrement autre Hochem, ils l'ont élevé parmi. C'est-à-dire qu'ils ont vu que cette personne-là écrivit pour cette personne qui se prétend prophète, et en fin de compte, il a laissé sa religion. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est un faux prophète, etc., etc. Ils l'ont élevé. Ils ont dit, Hada kod kana yaktubu li Muhammad. C'est celui-là, il écrivait pour Muhammad. Donc, ils ont été c'était surpris, agréablement surpris par cette personne qui a, alors qui lisait le Coran et qui écrivait pour le prophète Mohammed. Alors, ça, nous, on dit prophète, nous disent non, d'accord. Et ils ont été très agréablement surpris par cette fuite de cet homme. Il n'y a pas, c'est pas passé beaucoup de temps sans que Allah Azzawajal lui coupe le cou, c'est-à-dire le. Il mourut, cette personne mourut. Fihim, chez eux, chez les gens du livre. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Est-ce qu'il y a toujours un problème de son ou pas? Vous m'entendez? Non, ça coupe beaucoup. Non, ça coupe beaucoup, subhanallah. Donc le problème est même sur ce salon-là, donc là, il est là. Je vais finir ça et puis après on va s'arrêter, Inch'Allah, et pour que ça soit compréhensible. Donc je vais juste le finir, Inch'Allah, essayer de finir ce hadith, après on arrêterait. Demain, Inch'Allah, je reprendrai, je vais voir ce que c'est, où est le problème, Inch'Allah. Donc Allah le fit mourir, c'est cette personne-là. Fahafaru lahu. Alors ils ont creusé pour lui, ils ont creusé une tombe pour cette personne. Fawarauhu. Et ils l'ont enterré. Fahasbahat al-ardi. Donc le lendemain matin, la terre, kad nabadathu, l'a rejeté de sa tombe. La wajiha, sur sa face. Thumma'adu fahafaru lahu. Fawarauhu. Alors ils ont recommencé le lendemain, ils ont creusé pour lui une tombe, ils l'ont mis dedans, ils ont recouvert de terre. فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. Alors la terre l'a rejeté sur sa face, donc sur la face de la terre. فتركهوه منبوذا. Alors ils l'ont laissé, donc ils l'ont laissé le cadavre منبوذا, c'est-à-dire qu'ils l'ont laissé comme ça sur la terre. D'accord? Ce hadith est rapporté par Muslim. Donc on retient de ce hadith que dans Sahih Muslim, une personne peut faire de très très bonnes actions apparentes, d'accord? Et ça se trouve quand il fait les faits vraiment sincères, mais quoi? Mais c'est Allah Azzawajal qui guide les cœurs et qui les guère et qui les égare comme il veut et quand il veut. Et c'est à lui, Allah Azzawajal, qu'il faut demander à Thabat l'affermissement sur sa religion. Il ne faut pas croire que c'est nous, par nos actes, par nos paroles ou par nos cœurs, qu'on mérite d'être dans l'islam. Wallahi là, non, par Allah, ce n'est pas vrai, ce n'est pas par nous, c'est un mérite d'Allah Azzawajal d'être sur sa religion, et c'est un vraiment très grand mérite de mourir sur sa religion. Le prophète disait toujours ça quand il commençait une khutba, un discours, un cours, n'importe quoi, comme je le dis toujours au début. Qui Dieu guide, alors il n'y a personne pour le guérir. Et qui les guère, alors il n'y a personne pour le guérir. Voilà pour ce qui est donc la peur du kufr, la peur du shirk, la peur donc du ridda, de l'apostasie, car il faut avoir peur de tomber dans l'apostasie. Les plus grands sahaba avaient peur de cela. Abou Bakr et Omar avaient peur de cela. Ils n'étaient pas en confiance d'entrer au paradis tant qu'ils verront eux-mêmes y rentrer. Donc il faut avoir sincèrement peur de tomber dans l'apostasie. Et donc, et bah, comment on fait? Avant tout, on demande à Allah Azzawajal de nous affermir sur la foi. Il y a des doigts, il y a des doigts, notamment une doigt où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait très souvent, jusqu'à ce qu'une de ses femmes disait que c'était la doigt qui faisait le plus souvent, c'est Allahumma salif kouloub wa salif kouloubuna ala ta'atik. Oh Allah, celui qui guide les cœurs, salif kouloubuna ala ta'atik, guide nos cœurs sur ton obéissance. Ça, c'est la version de Muslim. Et il y a une autre version où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna kuluba bani Adam kullaha baina isba'ain min asabi ar-Rahman. Certes, les cœurs des enfants de Adam, tous, donc tous ces cœurs-là, baina isba'ain min asabi ar-Rahman, sont entre deux doigts des doigts du Rahman, du Tout-Puissant Miséricordieux. Ka qalbin wahid, comme un seul cœur, yusarrifuhu haythu yasha, et il les dispatche comme il veut. Ensuite, le prophète a dit ce hadith que je viens de vous dire: Allahumma musarrif al-kuloub, sarrif kuloubana ala ta'atik. Oh Allah, celui qui dispatche, qui guide les cœurs, guide nos cœurs sur ton obéissance. Et dans un autre hadith qui est rapporté par Tirmidhi, et qu'il a dit qu'il était Hassan, qui était bon, que Albani a dit qu'il était sahih, qui était authentique. Umm Salama, donc cette femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Kanat aktharu du'aihi sallallahu alayhi wa sallam, la du'a du prophète sallallahu qu'il faisait le plus, c'était quoi? C'était celle-ci: Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh, celui qui chamboule les cœurs. Ya muqallib al-qulub. Qallaba, c'est-à-dire renverser quelque chose, chambouler quelque chose. Celui qui renverse les cœurs. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpelle Allah en disant: Ya muqallib al-qulub. Oh, celui qui renverse les cœurs. Thabbit qalbi ala dinik. Affermis mon cœur sur ta religion. Donc même le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait ceci. Wallahu a'lam. Et je vous dis à demain, Inch'Allah, on s'arrête ici parce que. J'ai enregistré le cours, donc il sera sur. Sur la chaîne YouTube Institut Islamique, d'accord, Institut Islamique, pas Institut Musulman, Institut Islamique, mais allez aussi sur Institut Musulman, chaîne Institut Musulman, il y a des cours que j'avais fait avant. Et je vais encore réessayer de régler ce problème de son pour demain, Inch'Allah. Je demande à Allah de m'assister et de m'aider à régler ce problème de son. Et je vous dis à demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayhi.